conclusion de cet entretien. Et avec nos invités suivants, nous parlons de bande dessinée. Nous fêtons l'anniversaire. Turc et De Groot sont avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous les deux. L'album 35 des aventures de Léonard vient de sortir aux éditions du Lombard. L'occasion de se pencher sur 30 années de succès. C'est en effet cette année qu'on fête avec cet album les 30 ans de cette série de bande dessinée humoristique. Mais votre couple, j'ai envie de dire, Turc et De Groot, c'est un couple qui a bien plus que 30 ans. Il y a eu d'autres séries avant. Comment vous êtes rencontrés? Qui a fait le premier pas? Eh bien, c'est un ami commun qui a fait le premier pas, en fait, qui s'appelle Raymond Godard. Et j'étais passé au studio Spirou pour apprendre un peu le métier, moyennant quoi je rendais de menu service. Puis je suis parti de chez Spirou et est arrivé Turc. J'ai fait de même ou deux ans après. Mmh. Donc l'ami commun qui travaillait toujours à ce bureau, au moment où moi je me suis mis à chercher du scénario après mon service militaire, m'a dit, mais écoute, va voir Bob. Et je suis allé voir Bob, voilà. Là, voilà. Ça nous ramène dans les années 60, fin des années 60, ça, quand même. Ah oui, oui, oui. Ouais. Oui, c'est le temps où nos souvenirs étaient encore en noir et blanc. Mais les bandes dessinées étaient déjà en couleur, et vous avez commencé avec des petits récits, avec déjà quelqu'un qui avait des idées, Archimède. C'est vrai que c'est encore un grand personnage, fait que finalement, on a toujours... Oui, mais on ne fait que dans le luxe. Ouais. On va s'attaquer à la famille royale de tous les pays du monde, d'ailleurs. Le premier héros était donc Archimède. Ça n'a pas été le succès tout de suite. Je crois que le succès est venu avec vous, avec Clifton et Robin Dubois. Clifton était une reprise que nous avait demandé Greg. Et je dis, mais jamais on pourra le refaire, moi au scénario et au dessin avec Turc, enfin, parce qu'on était intimement mêlés au point de vue travail, je veux dire. Hein. C'est la version du matin, pas voilà, du soir. Voilà, c'est celle qui passe à midi, d'accord. Donc c'est en tout mais tout honneur. Et en fait, on avait un manque de confiance parce qu'on adorait ce que faisait Vacherot. Mmh. Et comme Greg a dit qu'on pouvait le faire, on l'a fait. Mmh. Alors on était rassurés. Je dis à Greg, si tu dis qu'on peut le faire, ben on va le faire bien. Vous avez 15 jours de retard. Ça a commencé sur les chapeaux de roue. Ouais. C'est normal, c'est une histoire où il y a plein de bagnoles. Et voilà, on a continué. Alors, on fête les 30 ans de Léonard. Léonard qui est né, finalement, dans votre autre série, qui était Robin Dubois. Il y a eu un Léonard dans cette série. Absolument, parce que bon, moi, je soumettais mes scénarios à Greg, qui l'exigeait, il avait bien raison. Je revenais de chez lui désespéré, je ne ferai jamais du scénario, ça sert à rien. À chaque fois, il me fait des remarques que je me demande comment j'ai pas vu ça moi-même tout seul. Et c'était pas faute de les relire, mais je voyais pas ce qui me semblait évident une fois qu'il l'avait dit. C'est ça le professionnalisme. Et je lui avais amené donc dans parmi mes gags, un gag où Léonard, copain du shérif Fritz à l'huile, avait inventé le parc-mètre et immédiatement Robin avait trouvé le moyen de le détrousser. Mmh. Et alors il a vu ça, il dit mais c'est ça le personnage, parce qu'il a besoin d'un personnage pour acheter le talent magazine, c'est ça le personnage que je veux. Donc il faut le sortir de Robin. Mmh. Ce qu'on a fait, mais comme on n'avait pas beaucoup d'argent, on a gardé le gag avec Robin et on a appelé le type puisqu'il avait déjà une grande barbe, Mathusalem. Il a changé physiquement d'ailleurs, hein, depuis cette première apparition dans la série Robin Dubois jusqu'à ce qu'il est devenu dans sa propre série, si je puis dire. Oui. Léonard a évolué. Comment est-ce que vous l'avez traité c'est finalement? C'est pas grave, hein, regardez James Bond au début et maintenant, il a changé aussi. C'est quelque chose qu'on a fait sans se poser de questions, quoi. Quand Greg nous a demandé de créer Léonard, on s'est dit, on va pas faire du Robin Dubois, parce qu'il faut pas oublier qu'on était en 68 et la BD était en train de changer très fort. On lui avait proposé des pages qui étaient beaucoup plus cartoon, parce qu'il y avait l'influence américaine, etc. Quand il les a vus, c'est à peine s'il nous a pas jetés dehors, il a dit, je veux que vous me fassiez de la BD comme vous faites d'habitude, recommencez-moi ça. Et voilà, donc on a fait du Léonard avec le même style que Robin Dubois, à peine changé, quoi, la forme des phylactères changeait un petit peu, les proportions des personnages, mais finalement... on est vite retombé dans ce style-là, quoi. L'école belge, quoi. Alors, Robin Dubois, ça a duré 6-7 ans, je pense, avec un certain succès. Clifton a été depuis repris. Là, Léonard, ça dure depuis 30 ans. À quoi attribuez-vous le succès de cette série, De Groot? Mais nous avons fait des menaces auprès de l'éditeur. Non, je sais pas. S'il y avait des recettes, on les appliquerait et on aurait trois. Séries à succès. Avec trois studios différents, on ferait travailler des gens, on les fouetterait. parce que ça, on trouverait que ça n'allait pas, ça ne va pas assez vite. Non, on peut faire une analyse a posteriori en émettant des hypothèses, mais on Ce serait lesquelles alors? Mais je pense que quand on voit les personnes qui achètent les albums et qui se présentent aux séances de dédicace, il y a des personnes de tous les âges. Donc on se dit qu'on a touché un public très large, et c'est peut-être simplement ça. Oui. Il y a un côté très visuel dans les gags, ça bouge beaucoup, ça peut plaire plutôt aux plus jeunes. Et puis là, il y a peut-être des trucs un peu plus fins dans les dialogues, etc. C'est une hypothèse. Et puis ça touche aussi finalement à la recherche. C'est un domaine que notre monde connaît bien, que notre société, sur laquelle d'ailleurs elle est beaucoup basée, l'évolution des techniques, etc. Et c'est vrai qu'ici, vous vous en moquez tout en l'utilisant en même temps. C'est un petit peu un jeu. C'est toute la différence. C'est une époque où la recherche a grand cours dans la vie courante. Et nous, on a trouvé. Vous êtes des chercheurs qui avaient trouvé ce qui est rare. Il y a aussi une famille. On a pas fait exprès, vous savez. Il y a aussi une famille autour de ce personnage qui s'est construite aussi petit à petit. Je crois qu'il faut laisser évoluer les personnages. Puis à un moment donné, comme c'était l'exemple avec la femme de ménage, je voulais amener un nouveau personnage, mais qui soit dans le sein familial, je dirais, pas un voisin qui ne fait que passer, parce qu'on pourrait se demander pourquoi il passe à tout bout de champ. Et j'ai dit, mais au fond, il invente tellement de choses qu'il n'aura pas le temps de nettoyer, donc on va lui mettre une femme de ménage. Et le hasard faisant bien les choses, à ce moment-là, je suis tombé sur un bouquin, alors que rien ne prêtait, on ne s'est pas beaucoup inspiré vraiment, si, de ce qu'on en avait retenu, en ce qui me concerne pour les inventions, mais je ne m'en suis pas tellement inspiré de Léonard. Et je suis tombé sur un bouquin qui relatait qu'il avait eu, effectivement, une femme de ménage, et elle s'appelait Mathurine, j'ai même pas dû chercher le nom. 30 ans, non seulement de cette série, mais on pourrait rajouter les quelques années des autres séries que vous avez eues ensemble. On dit que le couple est la grande aventure du 21e siècle. Comment est-ce que votre couple tient? Est-ce qu'il y a une réelle complicité? Est-ce que vous essayez tout le temps de vous surprendre l'un l'autre, même après 30 ans? Est-ce qu'il y a parfois le danger d'une routine qui peut s'installer? Dès le départ, quand on s'est rencontrés, on était tout de suite sur la même longueur d'onde, sur tous les sujets. Donc c'est un truc qui continue comme ça, donc on peut se parler de trucs ou d'autres, on est toujours en phase. Forcément, ça crée une complicité, ça ne passe pas quoi. Et en fait, quand on travaille, on essaye de se surprendre l'un l'autre. Et de vous marrer surtout, je suppose. Bah, bien sûr. Ouais. Moi, je l'ai surpris dernièrement, je lui faxe le scénario. Je lui ai faxé une page blanche. J'ai été surpris. Non, je plaisante. Mais c'était son meilleur gag, ouais. Vous ne me croyez pas. C'est le seul qui l'ait compris. Ben voilà, ce sont deux grands enfants finalement qui, depuis plus de 30 ans... Est-ce que je peux faire une petite annonce personnelle? Mais au je vous monde. En prie. Je viens de perdre un ami. Lui là. C'est Bob de Gros. Voilà, c'est la fin d'une grande aventure. C'était en direct sur la première dans Culture Club. Merci en tout cas à tous les deux. Merci Bob de Gros, merci Turc de nous avoir rendu visite pour ces 30 ans de Léonard. Le génie donne sa langue au chat. C'est le 35e album, c'est paru chez Lombard. À bientôt, merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir.